l'éternel, Johann Spaak. Adaptation, Laure et Mazière. Deuxième partie. USA, route 870, Nouvelle-Orléans, 2015. Mendel, mon cher mari, tu es mort. Tu t'es suicidé pour une femme que personne ne connaît. Tu lui as laissé une lettre, et à moi, rien. Ton enterrement, c'était pareil que ta vie, Mendel. Un grand show. Il y avait du rock, du rouge à lèvres, et des fausses larmes. Et des filles. Glam rock, beaucoup plus jeune que moi. Est-ce qu'elle était là, Mendel? Je voudrais envoyer ma Lexus sur cette fille. Maintenant, il fait nuit. Je rentre dans mon université stupide. Et je suis supposée te pleurer. Mendel, je ne vais plus t'adresser la parole. Même dans ma tête, je vais cesser. Ah, j'oublie juste un détail. Mendel, il y a un vampire psychopathe en mal de vivre qui me suit en volant derrière ma voiture comme un parapluie déglingué chahuté par le vent. Un vrai vampire, si, si. Il était au cimetière, penché sur ta tombe. Il dit qu'il vient d'Ukraine, comme nous, et qu'il va mal. Il veut suivre une psychanalyse avec moi. Hein ? Comme tu peux l'imaginer, j'ai pas vraiment le choix. C'est pas que j'ai peur, non ? Mais il a de grandes dents. Et malgré une grande politesse, il ne cesse de menacer de me... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, quelle pluie! C'est beau par ici! Vous m'avez fait peur. Je voulais partager ce sentiment. Sérieusement? Je trouvais ça beau? Des maisons, des cimetières, rien d'autre? En 2 kilomètres, on a changé de siècle. Les seules choses un peu entretenues, ce sont les temples. Tous des bigots. C'est insupportable. Je vais vomir. C'est l'athéisme qui vous choque? Non, c'est la voiture, j'ai pas l'habitude. Et quand vous gerbez, c'est du sang. Rebecca Streisand, chaire de psychologie. Nous ne parvenons pas à vous identifier. Rebecca Mendel, chaire de psychologie. Vous faites entrer une voiture en plus de votre moto, ça vous fera 2 places de parking. C'est grave? Vous rentrez bien tard, professeur. Prenez garde à ne pas réveiller vos confrères. Génial. Vous m'ouvrez? Ici, hein. C'est une manie. Vous trouvez tout beau? Non, on dirait le château de Balmoral. C'est un asile de fous. Un conglomérat de sciences occultes et c'est moi qui y passe pour une tarée. Ah bon? Je crois que c'était une université. Mais c'est ça, ouais. Bon, est-ce qu'on fait la séance tout de suite? Est-ce que j'ai le choix? Je me mets où? Allongez-vous. On est dans les combles, là? Ouais. Je peux vous assurer que mes collègues de tétralogie appliquée, de nécromancie, disposent de commodités autrement plus plaisantes que mon fucking nez de poule. Je vous écoute. Si je vous donne la réponse moi-même, ça va pas vous aider énormément. Donc quoi, vous voulez que je vous dise si, moi, je considère le vampirisme comme une maladie mentale? Je souhaite simplement que vous ne vous reposiez pas sur moi pour évoquer votre parcours. Et qu'est-ce qui vous prend ? Pardon, excusez-moi, je... En fait, quand je réfléchis, je décolle. Oui, bah restez allongé, s'il vous plaît. Pardon. Il dit rien. Je vois très bien à quoi il pense. Il imagine où passe l'artère dans le gras de ma cuisse. Il essaie de se convaincre qu'il n'a pas faim. Combien de temps ça reste efficace chez un vampire, le surmoi ? En fait, il ne ressemble pas tant à une chauve-souris si on observe bien. Quand il est recroquevillé comme ça, on dirait plutôt un félin oriental, non dénué d'attrait. Je me demande s'il baise. Je vois parfaitement ce que vous avez dans le crâne. Pardon ? Bah, pour vous, quelqu'un qui reproduit chaque nuit le même cirque depuis un siècle, forcément, il est bloqué. Au risque de me répéter, on dirait que vous avez besoin de mon assentiment, que vous essayez de me... De vous séduire ? Rebecca, tu arrêtes de tortiller les genoux et de faire d'imperceptibles ronds de bouche pour le chauffer. Vampire égale danger, patient égale tabou. Si ça se trouve, il sait mordre sans déchirer la peau. J'aimerais bien être son morceau de poulet. Mais oui, tout à fait, ouais, vous séduire. Et moi, qui me fiche des décharges érotiques pour couper court à la morbidité. Je suis en situation de bouleversement chimique à cause du veuvage. Attention de ne pas me fixer à un objet dangereux. J'ai toujours tellement besoin de justifier mes actes. C'est complètement maladif. Au lieu de me résoudre au fait d'être un vampire, bah, je passe mon temps à m'excuser, à mordre d'une dent, à culpabiliser, à broder toute une justification autour de... T'as l'air de Woody Allen. En mieux. En plus jeune, plus vif, plus... chat. C'est très juif, non ? Sans doute, non ? Vous voyez, voilà. Je parle tout seul. Je tente même la justification grégaire. J'ai ce trou. Comme si tout s'était arrêté à ma mort. Et ensuite le brouillard. Comme du tilleulement. Vous trouvez vraiment que j'essaie de vous séduire ? Enfin, vous trouvez ça déplacé ou hyper banal ? Je sais pas. Ou bien ce serait une façon d'éluder les vraies questions qu'implique la thérapie ? Je me demande si vous ne seriez pas plus à l'aise avec un thérapeute de sexe masculin. Ah non, pas de sexe masculin. Vous avez peur des autres hommes ? Ça va pas, mais... Je crois pas qu'il boxe dans ma catégorie. Hmm ? Vous avez dû voir toutes sortes de choses, mais jamais un type comme moi. Ça vous rassurerait d'apprendre par ma bouche que vous êtes un cas unique ? Tout ce que je vous raconte là, motus et bouche cousue, on est d'accord ? Non mais parce que ça implique certaines personnes vivantes et d'autres morts vivantes, ce qui est encore plus dangereux. Votre famille a émigré quand en Amérique ? Je me demande si vous n'auriez pas dû choisir une psychanalyste non-juive. Ah non, pitié. Livré sur un plateau à un praticien de Nouvelle-Angleterre, un youpin centenaire qui boit du sang pour survivre, j'imagine déjà les raccourcis. J'essaie juste d'avancer. Je peux vous appeler Rebecca ? Non, parce que Rebecca, c'est joli. Docteur. Eh bien, docteur Rebecca, j'ai jamais pris la psychanalyse au sérieux. Je sais que c'est une connerie, mais par pitié que ça reste une connerie juive. Vous êtes grave. Rebecca, docteur, pardon. Si on vous a collé dans une faculté de parascience et d'ésotérisme herméneutique, c'est pas pour rien. Soyez certaine que vos patrons pensent comme moi. Votre science n'est que l'héritage littéraire et prophétique du docteur Freud. Et c'est une pensée magique. Et c'est une mystique juive. Vous voyez bien, ils ont embauché un zoulou qui fait des danses de la pluie parce que c'est l'idée raciste qu'ils se font de l'Afrique. Et ils ont condescendu à voir une juive de sexe féminin de surcroît pour faire la névrosée de service dans cette université. À leurs yeux, vous êtes la petite sorcière du royaume disparu des Youtres. Rebecca, si vous persistez à m'affirmer que votre travail est une vraie science, on va nulle part. C'est un truc de rabbin, d'artiste, d'écrivain. Les chrétiens ont Dali et nous, on a Freud. Voilà, c'est une extase oraculaire. Mais, Jonas, pourquoi venez-vous solliciter une thérapie ? Si vous venez, c'est que vous espérez que ça vous fera du bien. Ouais, sans doute. Mais est-ce que je viens ? Vampire égale danger. Pour Freud ? Vampire égale danger. Ou pour vous ? Non mais, qu'est-ce qui me fait le plus de bien ? Votre savoir pratique ou vos... La séance est finie. Votre psychanalyse, c'est pas du tout sûr que ça marche. Par contre, je sais que si vous acceptez de m'embrasser... Tirez-vous. J'ai enterré mon mec ce matin, ça vous inspire rien. Vous m'emmenez où, là ? Ça, c'est la fenêtre, et vous sortez par là. On se revoit quand ? Pas avant la semaine prochaine. Vous comptez me faire une dissertation sur mon métier ou vous allez enfin parler de vous ? Non mais si vous acceptiez une invitation au restaurant, je me livrerais plus volontiers. Mais ça foutrait en l'air la thérapie. Si vous continuez de me draguer si ostensiblement, je vous raye de mes rendez-vous. Vous êtes lourd, là. Hein ? Je suis pas lourd, je suis vintage, ok ? Si vous me rayez, je vous mange. Si vous doutez de l'utilité de mon boulot, ne revenez pas, d'accord ? Si vous me revoyez, c'est dans le cadre d'une analyse et c'est tout, compris ? Si on me parle mal, je peux mordre. Ok ? Je peux aussi venir vous observer pendant votre sommeil et aussi... Tirez-vous ! Je... Non, vous mais... faites peur, là ! Non mais... Et ne revenez jamais ! Attendez, écoutez, j'ai quelque chose... Sortez ! Putain de vampire qui me fiche la frousse. Je vais allumer les lumières. Comme les enfants. Bonne nouvelle, je suis plus un enfant, mais j'ai encore peur. Eh ben, mon psy serait fier de moi s'il n'était pas mort. Oh ! Allez, se coucher et respirer. Plus question de psychanalyse ou de médecine douce, là. Il me faut du bon vieil exorcisme. Il faut que je demande l'aide d'un des zinzins des étages inférieurs. Je suis timbré. Allez-vous-en ! Je ne suis pas visible. Docteur Lovecraft, je suis Rebecca Streisand, la prof de psycho. Je vis au-dessus. Partez ! Je ne parle pas aux envahisseurs. Oh, bah, vous charriez, je viens de New York, où j'ai vécu 22 ans, depuis que j'ai quitté l'Ukraine. J'ai pas changé de nationalité. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas compris. Je ne parle pas aux envahisseurs de l'espace. Les Juifs ont débarqué les confins du cosmos à la fin du précambrien sous la forme de crevettes luminescentes. Professeur, je ne viens pas de l'espace, j'habite l'étage du dessus. Ce n'est pas parce que vous l'ignorez que ce n'est pas vrai. J'ai épousé une Juive il y a bien longtemps et elle non plus n'en savait rien. Mais qui connaît ses vrais parents, hein ? Vous êtes le jouet de forces qui vous dépassent. Dans votre cloaque utérin attendent des monstres avides de mort. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai un problème de vampire. Les vampires, ça n'existe pas. Fichez-moi la paix. Un type qui vole, qui n'a pas de cheveux et qui veut me sucer le sang, vous appelez ça comment, vous ? Partez ! Avec vos pattes qui s'agitent fébrilement devant votre cerveau luminescent, partez ou j'appelle sur vous la colère de Nyarlathotep, car je suis son prophète. Éloignez de mon nuit votre laitance visqueuse et vos mignons à l'être. Bah, dites donc, ça fait pas du bien de plus avoir d'activité sexuelle. J'entends rien, partez. Partez ou je balance un coup de mitraillette Thompson. Crevette luminescente. Celle-là, c'est une première. Les Juifs ont débarqué des confins du cosmos à la fin du précambrien sous la forme de crevettes luminescentes. Les Noirs, eux, venaient des replis creux des volcans du pôle sud et au même titre que les Chinois, ils ont pendant des millions d'années respiré le soufre du fond des mers en guise d'oxygène et ont perdu leurs branchies au 4e siècle avant Jésus-Christ. qui est l'imbécile qui a été chargé de mettre cette conférence sur Internet? C'est moi qui... Tu me déçois, Florian. Laisse-moi ta place. Cette folle de juive m'a déconcentré. Rouvre Amazon.com. Stephen King vend plus que moi. Philip Roth vend plus que moi. Toni Morrison vend plus que moi. Des libéraux, des juifs, des noirs. Salope de King. Qui c'est? Ah, ne mens pas. Je sais que tu le lis en secret. Je suis très en colère de cette attitude, Florian. Tu dois savoir que c'est uniquement à cause de mon état administrativement décédé que je n'ai pas recouvré les droits d'auteur qui me sont dus. Te rends-tu compte du nombre d'écrivains qui vendent davantage que moi et qui ne le méritent pas? Qu'en penses-tu? Oui, Florian. C'est par la science que nous allons tous les coiffer au poteau. Et la fille d'au-dessus? Qu'en penses-tu? Se pourrait-il que cette ignorante nous apporte vraiment un... Oui, Florian. Un brevet. Imagine qu'elle ait vraiment mis la main sur une créature dont la longévité... Mais aussi officieux. Moi, c'est différent. Tu sais parfaitement au prix de quel sacrifice je me maintiens en vie. Mais si grâce à cet idiot, on pouvait examiner de l'intérieur un être qui possède vraiment la vie éternelle... Stephen King. Oui, Florian. Oui. Oui. Si je brevette la vie éternelle, on sera plus riche que Stephen King. Youhou. Cogné à la porte d'un écrivain anti-juif. Vieux, 130 ans, passé du temps, un vrai vampire. Je peux pas souffrir de la mort de mon mari. Jonas, non mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites là? Ah, mes excuses, docteur Rebecca, j'ai essayé la porte, mais on m'a demandé de m'identifier. C'est déstabilisant. Dit la semaine prochaine. Pourquoi cette obsession chez les psys de la semaine prochaine? C'est urgent, il faut que je vous voie maintenant. Ma journée est finie et j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Justement. Je parviens jamais à assouvir mon... Ok. J'ai plus faim. Bon, bien. On en était où? Je sais pas trop. Ah non, faut prendre les choses en main là. Vous êtes un mort-vivant, commencez par votre mort. Je suis mort sur un champ de bataille, chez les Cosaques. Première guerre mondiale. Voilà. Je vois. Et vous trouvez ça banal? Bah, je sais pas, c'est l'habitude. Je suis mort. Aïdé, la maîtresse de mon frère, est morte aussi. Elle était enceinte de lui. Mérige, la sœur d'Aïdé, je l'ai retrouvée violée et assassinée sur le bord du chemin. Je l'ai enterrée. Enfin bref, en ces temps-là, oui, c'était plutôt banal, oui. Alors, peut-on parler de vos débuts en tant que vampire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon frère. Vous voyez? Il embrassait ma fiancée. D'accord, mais vous voyez le trauma, quand même? Enfin, l'être que vous aimez, qui soudain va dans les bras de quelqu'un d'autre, ça vous fait rien? Tiens, voilà la première fois que mon cœur se pince à ta pensée, Mendel. Pardon si je vous ai offensé. Je me permets parce que vous voyez, je trouve les psys indifférents parfois. On ne va pas parler des autres psys, d'accord? Oh, pardon, non, vous avez raison. Vous êtes un être unique. Bon. Parlez-moi des suites de ce trauma, comme vous dites. Au début, ça m'a rien fait. À vrai dire, je comprenais pas. J'étais incapable d'être triste. Je vois. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Arrête de me sonder, le vampire. Je vois, Jonas. Je suis rentré sans rien savoir chez Yelena, à Odessa. Je m'étais fait beau, j'avais fait une lessive. Bah, je pensais qu'elle comprendrait, qu'elle m'accueillerait. J'ai voulu faire tout doucement, voilà, Arrivé à pied, j'avais du mal à l'époque à ne pas voler. Je suis rentré. Il n'y avait personne dans le salon. Je me suis assis à table. Et là, j'ai vu un violon. Je me suis dit, oh, un violon. Voilà bien une façon aimable d'annoncer ma présence et de leur faire sentir que rien n'a changé. Rien n'a changé et que je suis là. Où est la jeunesse ? Famille Mordechai, ma famille ! Allez, venez ! Venez danser ! Ils sont au théâtre ! Oh, ah, oh mon Dieu! Oh, c'est Jonas! Bonsoir, tant trip que j'ai, tout va bien? C'est moi! Jonas? Oh mon Dieu, je ne sais pas! Dieu me savonne! Dieu nous condamne! Que se passe-t-il? Le chauffeur a menti! Hein? Pourquoi tu caches ton visage, mon enfant? Bienvenue, petit! Oh, nous devons te dire une chose. Dieu nous aide, c'est une tragédie. Ton frère te dit mort. Je sais pas si c'est vrai. Montre-moi ton visage. Tu as été touché, blessé. Comment vas-tu? Mais approche-toi. Calmez-vous, enfin, c'est moi, Woody. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes blessé. Allez, je vais vous aider. Relevez-vous. Oh. Oh. Ça coule. Du sang. Oh. Et alors? J'ai pas envie d'en... Il vous reste 15 minutes. C'est vous qui voyez. Bon, bah, j'ai perdu le contrôle, je me suis réveillé, ils étaient tous... Les deux parents et la tante étaient saignés comme des bêtes de boucherie. Il y avait des policiers qui pataugeaient là-dedans. J'étais dans un coin du plafond, terrifié. Yelena est entrée, elle a crié. Yelena ? Yelena, ma chérie, Karin l'a rejoint au milieu du charnier. J'ai voulu le saluer, l'embrasser, mais j'avais trop honte. Et il a dit... Yelena, ne regarde pas. Viens, ne me regarde pas. Je me suis dit, c'est rien, c'est un geste fraternel, l'expression d'une sollicitude toute naturelle. Puis j'ai vu leurs alliances. La vision s'est brouillée. Ils sont passés tout près de moi. Qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Nous restons ici. C'est chez nous. J'ai vu Karin border Yelena, l'embrasser. Puis la laisser seule. Elle dormait d'un très profond sommeil. Je me suis rapproché. J'ai tendu la main pour caresser la joue de mon ancienne fiancée. Et Karin est entrée dans la chambre. Il est là ? Il s'est jeté sur moi. Je me disais, tourne la tête pour qu'il ne te reconnaisse pas. Heureusement, il a trouvé son fusil, il a visé mon crâne. Je me suis dit, enfin une bonne nouvelle. Il va constater que je respire et me trancher la gorge. L'histoire se finit là. C'est mieux pour tout le monde. C'était donc votre deuxième mort. Ouais, on va pas se mettre à compter. Pardon. Donc, c'est la fois où votre frère vous a tué. Bon, mon frère m'a tué plein de fois. Et arrêtez de dire ça. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Si vous continuez, je vous mords. Racontez-moi la suite. Je me souviens plus. Venez avec moi dans mon château. Je vous jouerai quelque chose au violon. Rien que pour vous. Non. Non, mais c'est vraiment tout prêt à vol de vampire. Vous croyez que je suis dépressif, hein? Mais en même temps, vous aimez bien les dépressifs, non? Mendel, votre mari. Il était dépressif, non? Non. Bon, ses chansons, quand même... Ça n'a rien à voir. C'est de l'art. Ouais. Bon, en même temps, il s'est suicidé, quand même. Hein. Sortez, Jonas. La séance est finie. Ouais. Je sais pas ce que je veux. J'ai besoin d'elle et qu'elle s'occupe de moi. Et en même temps, quand je la regarde, je pense à un amour d'un autre siècle qui n'est plus là. Cependant, je peux aimer cette Rebecca et j'accepte pour la revoir de jouer au docteur. Non. Non, je dis ça pour appliquer mon vieux truc. Draguer, baiser, mordre. Pour ne pas accepter simplement qu'il me faut de l'aide. Rentrer au manoir, essayer de dormir, et un de ces jours, avoir le courage de rentrer en Europe. Quinze minutes. Un vampire ukrainien tombe sur moi à New York et se trouve habité à 15 minutes de chez moi. Qu'est-ce qu'il me veut? Qui c'est? Mais s'il m'embrassait... Je crois être assez sage pour savoir que je pourrais plus embrasser personne tellement c'est bon. Allô? Pardonnez-moi, ça se reproduira plus. Voilà, je crois que je fais ça pour repousser le moment où je vais rouvrir ma mémoire. J'ai des trous... Écoutez, Jonas. Non, mais il me faut une femme belle. Voilà, à une à qui j'ai envie... Mais vous êtes grave! Non mais quoi? Pardon. Vous allez me foutre la paix, ouais? Non mais j'arrive pas à me coucher, j'ai peur. Vous êtes déjà chez vous? Oui, et je me sens mal. Vous pouvez ingérer des drogues? Bah, à part le sang, j'ai le droit à rien. Si je peux pas vous prescrire de psychotropes, il faudra être patient et attendre d'éventuels développements de la thérapie. Non mais vous vous rendez pas compte, dès que le jour approche, je suis sous terreur. Oui, enfin, il s'approche doucement tout de même, il est 2h du matin. Et j'ai des frayeurs diurnes, je vous dis, putain, mais je vais pas dormir, je veux danser avec vous dans le ciel. Mais il en est pas question. Mais ça va pas, je vous jure que ça va pas chez moi. Alors, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne roupillez pas? Je sautille. Il vous manque une pensée heureuse avant de vous endormir. Dites-moi une chose qui vous ferait plaisir, un truc dont vous avez énormément envie. Ce que j'aimerais, c'est... À part mon cul. Alors, je sais pas. Des choses que vous aimiez avant. Non, ça me torture, je suis pas sûr. Je cherche pas le souvenir, enfin, si, mais... Peut-être un souvenir, alors. Oui, il y a bien un souvenir. Très bien. Allez-y. Après ma première mort, j'ai compris que mon destin, c'était d'être oublié. Alors j'ai eu envie d'aller voir Yelena, une dernière fois. J'ai volé jusqu'à la chambre. Yelena dormait profondément. Son oreille ronde et blanche encadrée par une cascade de cheveux noirs. Oh, c'est beau les narines. Si on était obsédé sexuel, on adorerait avoir à la place de la cloison nasale deux pseudopodes en yeux d'escargot pour fourrer les narines, se brancher à elles comme à une prise électrique. Au lieu de ça, je m'emplissais les poumons de son parfum. Je volais l'air qu'elle exhalait. Pardon, c'est très intime. Continuez. J'ai lentement approché ma bouche de la sienne. Yelena a ouvert grand les paupières sans rien dire. Elle m'a serré contre elle, comme une peluche. Elle dormait, profondément. On se rencontrait en équilibre sur cette corde-là. son sommeil, ses yeux écarquillés et ma bouche morte. Je l'ai prise dans mes bras et puis je me suis envolé avec elle. Les yeux ouverts et inexpressifs, elle était suspendue en l'air dans mes bras. Je survolais la ville endormie. Une pluie fine me tombait sur la figure. Yelena frissonna et, d'un geste volontaire, se colla contre moi. À mesure que l'on volait vers la mer, les rues sous nos pieds se faisaient plus larges et droites. La cité devenait beaucoup moins juive. N'importe quel homme, Cain surtout, en aurait profité, mais pas moi. Moi, je l'emmenais sur le port, sur le phare, et je me suis mis à lui parler. Yelena, bon, tu m'entends pas, tu dors. Je ne te réveille pas, je suis trop lâche. Je suis presque certain que tu hurlerais. En même temps, c'est agréable de parler à une fille endormie, on n'est pas interrompu. Dans un sens, vois-tu, c'est bien que tu dormes. Parce que sans doute, si tu avais conscience de toutes les culpabilités dont je m'encombre, tu trouverais que je suis... chiant. Tu dors pas? Tu fais semblant de dormir? C'est pas drôle. Sans doute que si tu fais semblant de dormir, c'est qu'il y a des choses que tu voudrais que je m'autorise, malgré ma grande angoisse. Pas mordre, hein, ça j'ai bien compris, mais... T'es sain? Elle mit ses mains sur mon crâne, me serra très fort, puis elle donna un coup de talon contre le phare et nous précipita dans le vide. Et dans la lumière intermittente du phare, on s'est embrassé. Longuement, en tournoyant au-dessus des vagues. Vous êtes encore là, Rebecca? Oui. Venez me voir à mon château, Rebecca. Je vous ferai tournoyer dans le ciel. Jonas. Venez, je suis pas loin. Que s'est-il passé ensuite? Je l'ai amené danser toutes les nuits. C'était un vrai moment de bonheur. Un moment de bonheur de ma vie de mort. Vous pouvez aller dormir maintenant. Venez danser avec moi dans le ciel. Non. Que s'est-il passé ensuite? Yelena est tombée enceinte. De Cain? Oui. Ça n'a pas dû vous plaire? Non. Mais il y a pire. Quoi? Les morts reviennent sur Terre quand on leur brise le cœur. Ça a réveillé quelqu'un d'autre. Qui? Haïdé, la maîtresse de Cain. Morte sur le front alors qu'elle était enceinte de lui. Elle n'a pas supporté que Cain ait un enfant avec une autre. Elle s'est réveillée et elle est venue à Odessa pour se venger. Venez me rejoindre, Rebecca. Venez. Vous y pensez au moins? Je ne vais pas venir, Jonas. Rebecca, tu crains? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Non, c'est logique. On fait ça quand il y a la mort. Les talons, les seins, la bouche peinte. C'est un totem protecteur. Merde! C'est quoi cette trompe sinistre? Oh non. Oh non, l'essence! Oh mais est-ce que je suis conne à ce point-là? Oh, aller en pleine nuit chez un monstre, se perdre dans la forêt, oublier de mettre de l'essence, le tout fringué en Pamela Anderson, ça te ressemble bien tout ça, Rebecca? T'es vraiment... Mon mari est mort, je n'ai pas versé une seule larme et ça sort maintenant? C'est une blague. Et ça veut rien dire. Quand on pleure, c'est qu'on a appris quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai appris cette nuit? Mendel s'est tué pour une femme que je connais pas. Ma moto est lourde. J'ai des frissons. J'ai pas eu de relation sexuelle depuis la mort de Mendel. Et j'ai même pas la patience de me demander depuis combien de temps nous avions cessé de baiser avant. Je suis comme le vampire. Peut-être que c'est ça. Je suis après la mort et je suis vivante. Merde, combien de temps encore jusqu'à la maison du vampire ? Astrala, du bonheur ! Quoi ? Qui est là ? Non, je ne rêve pas. C'est une fille nue, peinte en vert, avec des cornes sur la tête. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah non, elle n'est pas à poil. Elle porte une sorte de collant vert pomme, conchier de mousse. Mais c'est pas des cornes sur sa tête. C'est des branches. C'est une fille toute en bois. Oh, tu réponds jamais quand on te parle. Je vais chez le vampire. J'ai rendez-vous. Et si j'étais toi, je rentrerais chez moi tout de suite. Bon Dieu, le cul qui est là. Ça sert à rien que je continue le tai chi, le pilate, la piscine. J'aurais jamais un cul comme elle. Est-ce que c'est la fiancée du vampire ? C'est formidable, la jalousie. Pendant un instant, on en oublie presque qu'on a froid. Et le docteur, c'est ça ? Vous voulez bien m'aider à pousser ma moto ? Non. Merci, c'est super sympa. J'en ai pour combien de temps avant d'arriver ? 1 heure, je t'ai dit. Mais t'as de la chance. Le temps que tu arrives, il fera jour et il se sera endormi. Comme ça, il ne te tuera pas tout de suite. Ah mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. Je suis pas du tout sa proie, je suis une amie. Ouais. Eh ben continue ta route, docteur. Peut-être que mon cul est plus gros que le sien, mais elle est en bois. Et je crois pas que ça soit un matériau aussi chaud et aussi souple que ma peau. Et moi, je ressemble à Scarlett Johansson en brune, ce qui n'est pas rien. Pas du tout américain ton château, Jonas. On dirait que t'as fait venir l'édifice pierre par pierre depuis l'Empire austro-hongrois. J'ai un peu froid. Bon, répondez, Jonas. Allez. Jonas. Le vampire. Il est 5 heures. Darmstadt s'éveille. Jonas. J'entre chez vous, hein. Eh ben, c'est beau, dis donc, chez toi, Jonas. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est grand, pas d'odeur d'humidité. Et des rideaux épais partout, contre la lumière. Péo ! Y'a quelqu'un ? Voyons, nous sommes vendredi matin et je n'ai pas d'obligation professionnelle jusqu'à lundi. Je vais passer ma journée à tout fouiller dans sa maison, puisqu'il dort. Et puis ce soir, il se réveillera et il me racontera toute sa vie. Et ce sera délicieux. Soit nous allons baiser, soit je respecterai l'interdiction du rabbinat concernant la fréquentation des vampires et celle du code de déontologie pour... Oh, mes cheveux, mon Dieu. Ah non, ça va pas du tout, là. On dirait qu'on y a écrasé des miettes de bagel et du foie haché de poulet. Il me faut un shampoing tout de suite. Toute urgence, maintenant. Jonas ? Vous êtes là ? Oh mon Dieu, des chats ! Une trentaine de chats ! Boudou, boudou, boudou ! Jonas ? Oh, il est là. Il dort sous les chats. Il n'est pas effrayant quand il dort. Il a l'air du garçon qui devait être en Russie le jour de sa mort. Aucune réaction lorsque la paume de ma main tout entière se pose sur sa poitrine. Je suis en train de caresser son thorax et c'est parfaitement inapproprié. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai sommeil. J'ai pas dormi de la nuit. Et... Ah, je pue. Oh, je te bénis, le vampire. Il y a tout ce qu'il faut. Serviette, éponge, des sels, même des produits de beauté. Bon, bah, rien pour les cheveux. Ah, si, cet étrange séchoir antique. Il y a des papiers partout. C'est la littérature de Jonas, on dirait. Bon, je vais lire ton diary, Jonas. Mais avant... Je vais prendre un bain. Qui est le cochon qui a mis un miroir là? Sur le plafond au-dessus de la baignoire. Oh la vache. Mon Dieu, que je suis poilu. Y a pas un rasoir quelque part? Attention à ne pas se couper, Rebecca. Je me demande ce qu'aurait dit ma défunte maman si elle me voyait en train de me faire le maillot à l'aide d'un coupe-chou trop bien aiguisé, un pied posé sur la baignoire en faïence d'un garçon mort depuis 95 ans. Si quelqu'un pénétrait à l'improviste dans la salle de bain maintenant, je ferais un bond de 2 mètres et le rasoir me couperait au minimum la chatte et plus vraisemblablement l'artère fémorale. Et voilà. Okay. Voyons donc ce que tu écris, Jonas. Alors, je ne vois rien comme écrivain et ma vie amoureuse est lamentable. Eh ben, mon coco, ça a l'air gay. J'étais à un moment de mon existence. Peut-on dire existence ? Enfin, j'avais tout essayé, mais je n'avais pas réussi à me suicider. L'anéantissement n'étant pas au programme, il fallait me trouver un petit équilibre dans lequel je ne nuisais à personne. Une existence parasitaire, spectateur du bonheur des autres. J'essayais de ne pas retourner chez Yelena pendant des mois. La voir avec mon frère, devenu son mari à ma place, avec leur petite fille, c'était trop. On attendrait, on espérerait la fin de l'allaitement. On verrait bien si à un moment, l'attitude de Yelena laisse entendre qu'elle souhaite danser avec moi, les nuages, le port, le cirque. Avant ça, pas grave, le temps n'avait plus la moindre importance pour moi. Je ne mangeais quasiment pas, à peine le sang de quelques animaux. J'étais terriblement faible. Mais cette nuit-là... Alors que j'épiais par la fenêtre mon frère et sa femme endormis à côté du berceau de leur fille, j'ai soudain distingué une silhouette connue. Jonas, je suis contente de te voir. C'était Heidi, l'ancienne maîtresse de mon frère. Une vampire. Toujours enceinte. Chevelure rousse, entièrement nue, plantureuse, en forme et absolument furieuse. Elle portait dans ses bras la fille de mon frère. Je suis vraiment contente. Et moi, je suis horrifiée. Repose la petite. Je ne vais pas la tuer d'un coup. Un peu de sang à chaque fois. Ils croiront que c'est une maladie. Ensuite, ce sera le tour de sa femme, ta Yelena. Je serai obligée. Pourquoi ? J'ai besoin de lui pour mon enfant qui va naître. Il a besoin de son père. Tu n'as rien. Rien ne va sortir de toi. Tu ne fais pas partie du monde. Et moi non plus, nous sommes juste des erreurs. Tu n'as rien à faire. Tu n'existes pas. Si. Non. Si. Non. Si. Je suis un vampire. Je tue des gens. J'existe énormément. C'est toi qui n'oses rien faire. Ne fais pas le professeur, tu es plus perdu que moi. Lâche cet enfant tout de suite. Par ailleurs, je te signale qu'il y a des dieux pour nous. Et des façons de se comporter. Tu dois apprendre tout ça. Il nous faut du sang, c'est tout. C'est écrit là. Tiens, prends ce livre. De Vampiris Mysterius. Origine des vampires, les dieux qu'ils vénèrent, comment les éradiquer. Leur influence dans les gouvernements, comment ils ont inventé le bolchevisme. Aïdé, ce bouquin est un faux ridicule. Regarde, même les pierres précieuses de la couverture sont en toc. Tu es un prétentieux. Il faut faire comme on nous dit. Et c'est tout. Tout est simple. Aïdé, reviens tout de suite. Aïdé s'enfuit par la fenêtre. Tout ce que j'avais tenté d'éviter depuis ma transmutation en vampire, Aïdé me l'avait infligé en une nuit. Menacer mes proches, causer des douleurs inutiles et faire mourir. Il fallait absolument que j'arrête cette femme. Il fallait absolument que j'arrête cette femme. Je me lançais à sa poursuite. Je me lançais à sa poursuite. Elle entra dans la forêt. Elle entra dans la forêt. Ah mince alors. Elle entra dans la forêt et après... Ah, voilà une autre pile de feuilles. Pour le dire plus simplement, pas de pogrom dans le Far West. Il m'est souvent arrivé de penser qu'en quittant l'Égypte, nos ancêtres auraient dû également y laisser le bon Dieu. Nous eussions ainsi constitué, dès le XIIIe siècle avant notre ère, le premier peuple agnostique. Au lieu de ça, l'intervention divine a conduit nos ancêtres à traîner 40 ans dans le désert, avec pour seule contribution notable, l'invention des galettes de pain azim. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Et ça s'appelle Nosferatu, mon amour. 100 ans à tenter d'écrire et il fait pas mieux. Et moi qui doute de mes capacités scripturaires. Moi qui n'ai que 31 ans. Qui allie le talent, la beauté. Bon. Bref, tout ça ne me dit pas où est la suite. Je suis allée lui demander, tiens. Jonas, vous dormez? Non, non. Ah, c'est bien. Parce que, vous voyez, j'étais en train de lire... J'espère que ça vous dérange pas, hein. C'était ouvert, je suis rentrée. Dites, je n'arrive pas à trouver la suite de votre texte. Je peux allumer la lumière? Pour lui ressembler. Je lui ressemble. À qui? Un amour d'un autre siècle. Jonas? Vous dormez là, ça me gêne. Je fais pas dans l'hypnose. Quoique, pourquoi pas? Jonas, qu'est-il arrivé à l'enfant? À Yelena? Tout est de ma faute. Ce n'est pas une réponse. Vous aussi, c'est de ma faute. Non, mais votre frère... Attendez, moi, vous dites? Comment ça, moi, de votre faute? Notre rencontre... Notre rencontre au cimetière? Vous étiez pas là pour Mendel? Vous lui ressemblez... à cette actrice. Ah, Scarlett Johansson. Vraiment, vous trouvez? Jonas? Jonas? Bon... À lire autre chose. Alors, on va éviter Nosferatu, mon amour. Tiens, prenons cette pile de feuilles. Encore l'œuvre de Aïdé. Depuis Ève, il y a ce danger avec les femmes. Non mais vraiment, Jonas, quelle misogynie primaire. Qu'est-ce que tu fais dans cette baignoire? Merde, la fille de bois. Et je suis à poil en plus. Comment oses-tu? Je suis médecin, je lis les notes de mon patient pendant qu'il dort. C'est mon boulot, j'analyse. Dans une baignoire, tu analyses? Je fais ce que je veux. Et c'est à moi de savoir ce qui convient à mon patient. C'est juste la tristesse. Il se réfugie dans ses gribouillis. Je lui dis pourtant que ça ne sert à rien. Parfois, il pleure pendant des heures. Il a tort d'écrire. Sors de cette baignoire. Pourquoi tu veux pas qu'il se souvienne? Il se plaint d'avoir oublié des choses, tu sais ce que c'est? Sors. Je ne le répéterai pas. Essaye pour voir. Bonne idée, le sèche-cheveux dans la baignoire. Mais faut le brancher, pauvre conne. T'es vraiment... Fin de la deuxième partie. L'éternel de Johann Sfar. Une adaptation de L'Or des Mazières, d'après le roman de Johann Sfar, publié chez Albin Michel. Conseillère littéraire, Caroline Wazana. Avec Toufik Jalab, Juliette Nadis Bardin, Joachim Salinger, Camille de Sablet, Anne Carr, Caroline Breton, Bruno Raffaelli, Christine Pignet, Christopher Wright, Johanna Nizar, Laurent Ferraro, Sandrine Lebert, Raresh Yenasoai, Pierre Carbonnier, Georges Serre, Karim Bouger. Avec Eleonore Biesunski au violon et au piano, Ricardo Garbatsky. Remerciements à Aurélien Bianco. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossille.